monde pour y aboutir de façon bien décidée, pour ne pas perdre en chemin le cours de ma destinée, car tu étais là avec moi pour me le rappeler. Tu avais donné un sens à ma vie, car tu étais la source de toutes mes envies, source d'énergie et d'amour qui ne jamais se tarit. Au jour d'aujourd'hui, tu m'as rendu plus fort, je revis, grâce à cette force que tu avais en toi, source d'inspiration que tu m'avais transmise pour affronter les difficultés de la vie qui se présentent à moi à chaque fois. Tu es encore présent en moi, même si je sais que tu es loin de moi, même si je sais que nous sommes plus tous les deux ensemble pour la vie comme de simples amoureux. Je m'y fais pourtant tu es encore là. J'ai beau vouloir oublier, mais l'amour avec un grand A ne s'oublie pas. Tu es encore présente en moi, même si je sais que tu es loin de moi, même si je sais que nous sommes plus tous les deux ensemble pour la vie comme de simples amoureux. Je m'y fais pourtant tu es encore là. J'ai beau vouloir oublier, mais l'amour avec un grand A ne s'oublie pas. Tu m'as donné les clés de l'amour, de la réussite. Grâce à toi j'ai avancé à grands pas. Chose que tu sais pas, vu qu'entre ton temps est passé si vite. N'oublie jamais que tu as dû me guider vers celui que je suis aujourd'hui, celui que tu voulais que je sois. À l'époque j'ai fait tellement d'erreurs que je m'en mords encore les doigts. Mais j'aimerais tellement pouvoir te le prouver pour que tu le vois. Je sais que quelque part je fais une erreur, mais tu n'as pas oublié. Et pourtant j'ai tourné la page de notre amour passé, car tu as laissé une trace indélébile en ma mémoire. N'oublie jamais que je t'ai aimé sans que tu puisses le voir. N'oublie jamais que je t'ai aimé au grand désespoir. Tu es encore présent pour moi, même si je sais que tu es loin de moi, même si je sais que nous sommes plus tous les deux ensemble pour la vie comme de simples amoureux. Je m'y fais pourtant tu es encore là. J'ai beau vouloir oublier, mais l'amour avec un grand A ne s'oublie pas. Tu es encore présente en moi, même si je sais que tu es loin de moi, même si je sais que nous sommes plus tous les deux ensemble pour la vie comme de simples amoureux. Je m'y fais pourtant tu es encore là. J'ai beau vouloir oublier, mais l'amour avec un grand A ne s'oublie pas.